بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فهنا الله عز وجل سهنا الله عز وجل جبوا لا فيديو بافون كو ces audios et ces assises vont faire un tremblement de terre. Et c'est le cas, et les réactions sont nombreuses depuis le premier cours. Et aujourd'hui, avant la prière de Salat al-Asr chez vous en France, quelqu'un m'a écrit sur MSN en me disant « Je ne sais pas ce que tu as avec Abbas. » Et après, il écrit « Je sais maintenant que tu es un manipulateur. » A'oudou billah. Et moi, je te dis, frère en Allah, Azza wa Jalla, il y a tous ceux qui se posent la question, j'ai rien contre Abbas. Mais tout simplement maintenant, et moi j'ai des relations, j'avais des bonnes relations avec Abbas avant qu'il rentre à Médine. Et pendant sa période de Médine et après Médine, il demandait à lui directement. Il demandait à certains responsables d'associations qui l'ont invité, qu'est-ce qu'on leur disait, hein? Que ce soit à Rennes, ou à Saint-Étienne, ou ailleurs. Hein? Mais là, frère en Allah, Azza wa Jal, je te rappelle que ça, c'est une erreur dans la religion, et c'est une erreur dans la voie. Hein? Et on ne peut pas se taire sur les erreurs. Maintenant, nous, on ne répond pas par nos propres passions, ni par nos paroles, à nous, par notre opinion. Amen. Là, on a pris le temps d'enregistrer et d'exposer le problème à Cheikh Abdallah al-Bukhari et à son éminent Cheikh Ubayd Hafidhahullah Ta'ala. Hein? Et de toute façon, celui dont il a changé son pseudo, j'ai reconnu son style d'écriture parce qu'il avait fait il y a plus d'un an maintenant la même chose sur PAL. Hein? Et j'ai reconnu, je sais qui c'est, je sais que donc c'est un ch'ti. Hein? Mais je te rappelle, frère en Allah Azza wa Jal, et sœur en Allah Azza wa Jal, que comme il m'a dit Cheikh Ubayd Hafidhahullah Ta'ala, juste le deuxième jour de l'Aïd, que j'allais me retrouver devant trois catégories de personnes. Des personnes qui vont avoir de la sympathie pour ceux qui vont recevoir cette réplique et qui sont concernés par cette réplique, et qui vont montrer leur haine, hein, et qui vont s'allier pour les personnes, pour ces personnes, ils vont désavouer pour ces personnes. Et ça, c'est un comportement de Hizbi, on ne peut rien faire. Une deuxième catégorie de personnes qui sont en sympathie avec ceux qui sont concernés par la réplique, mais ils disent rien. Ni sur nous, ni ils insinuent. Des fois, ils insinuent des choses, mais pas en direct. Et on va se retrouver avec la troisième catégorie, ceux qui vont nous délaisser. Et on ne va pas entendre d'eux comme quoi ils sont en train de nous critiquer ou quoi que ce soit. Et ça, ce sont leurs situations et les voiles pour nous. Et donc, on sait, en s'attaquant à ce sujet, je sais que je m'attaque à qu'une montagne va s'ébranler. Je sais que beaucoup de choses, une édifice va, qui n'a pas été construit sur des bonnes fondations, va tomber. Je le sais, Akhal Islam. Je sais ce que je suis en train de faire. Et ce n'est pas de la médisance. Et c'est du conseil, c'est le conseil pour ceux qui sont concernés par la réplique et pour aussi les frères et les sœurs. Hein? Il faut savoir, et je le répète, comme nous l'avons vu avec la série de cours de Cheikh Abdallah Al-Bukhari sur la réplique et ses fruits, que la réplique fait partie de la religion. Et il concerne tout un chacun qui a dévié de la vérité, qu'il soit un sunni qui s'est trompé ou un innovateur. Hein? Donc, sachez frère en Allah, Zawajal, avant de traduire tout ceci, il y a tout un cheminement, des étapes qui sont passées avant. Là, l'assise avec Cheikh Abdallah Al-Bukhari, il a eu début du mois de juin. Et on est le 4, la deuxième traduction se fait aujourd'hui le 4 du mois de septembre 2012. Pourquoi on a pris tout ce laps de temps? C'est simple, l'islam. Très simple. En mettant en application les orientations de Cheikh Abdallah Al-Bukhari. J'ai parlé avec notre frère Suleyman de Guadeloupe qui fait son master à Médine. Il m'a dit, attends, je vais voir Cheikh Abdallah Al-Bukhari. Et quand il a parlé avec Cheikh Abdallah Al-Bukhari, il a dit à Hassan de rien propager pour l'instant, d'envoyer le Dieu à celui qui est concerné. Chose qui a été faite le 18 du mois de juillet 2012. Et je l'ai envoyé à Abbas comme Cheikh il me l'a demandé. Et après, une fois que le mois de Shawwal, une semaine est passée du mois de Shawwal, j'ai contacté Cheikh Abdallah Al-Bukhari et je lui dis que j'ai aucune réponse, aucune réaction de la part du frère à qui j'ai envoyé là l'audio. Il dit maintenant, est-ce que je peux propager? Je peux traduire et propager. Cheikh, il m'a dit, à la barakatillah, propage. Hein? Donc sache, frère en Allah, Azza wa Jal, qu'on sait à faire le calcul des situations, qu'il faut prendre en considération les situations, etc. Mais sache qu'on n'est pas des enfants et qu'on ne réagit pas de notre propre gré, mais chaque pas dans cette situation, je me réfère à qui de droit. Et je te rappelle, frère en Allah, Zawaj, les sœurs en Allah, subhanahu wa ta'ala, si tu ne l'as pas encore digéré, tu ne l'as pas encore compris, ce que c'est que le fruit de la réplique. Le fruit de la réplique, proprement, comme le rapporte Cheikh Abdallah Al-Bukhari dans le cinquième épisode de la réplique sur le divergent, il dit, premièrement, c'est pour faire apparaître la vérité et pour confirmer la vérité et donner des éclaircissements sur la vérité avec les preuves de la révélation et la compréhension du pieux prédécesseur. Et il dit, deuxièmement, c'est pour montrer, dévoiler les ambiguïtés et montrer comme quoi les ambiguïtés c'est du faux. Pour que les disciples de la vérité ne tombent pas dans le doute et ne tombent pas dans les ambiguïtés. Troisièmement, c'est accomplir le devoir du conseil pour Allah, pour son livre, pour son messager et pour le commun des musulmans. Quatrièmement, c'est accomplir cet emblème de la religion qui est le fait d'ordonner le bien et de blâmer le mal. Hein? Et cinquièmement, c'est anéantir le faux et dévoiler le faux. Et casser le faux. Hein? Casser le faux avec celui qui s'entête devant la vérité. Et le dévoiler aux gens. Pour que les gens se protègent de son mal. Et pour que les gens ne se fassent pas avoir. Sixièmement, c'est raffermir les musulmans sur la vérité sur laquelle ils sont. Septièmement, c'est tenir à la guider. Hein? De celui qui est concerné par la réplique s'il cherche la vérité. Hakadah al-Islam. Et ça, chaque fois que tu veux parler, tu veux accuser quelqu'un de quoi que ce soit, chasse. Hein? D'abord, réfère-toi aux paroles de tes pieux prédécesseurs, et après, il n'y a aucun problème, al-Islam. Et je te l'avais dit auparavant, je sais que c'est un tremblement de terre. Je sais que j'ai lâché une bombe. Il n'y a pas de problème. Hein? Et je sais que nous aussi on n'est pas exemple de l'erreur et que celui qui a des erreurs qu'il nous ramène les erreurs. Je t'ai dit que ce soit moi, Suleyman, Haïti, Suleyman de Guadeloupe ou notre frère Ammar et les autres, on est prêt à revenir sur nos erreurs à l'islam. Barakallahu fik, c'est pas une guerre de personnes, c'est pas un problème personnel, sache-le bien, il s'agit de la religion. Et comme il a dit Thaw, si c'était les choses de ce bas monde, il y aurait le rapprochement et les salutations. Mais il s'agit de la religion. Et maintenant avec la deuxième partie de cette réplique de Cheikh Abdallah al-Bukhari, et Cheikh de nous rappeler cette parole d'Abbas qui dit عندما يتكلم عليه كأنه بشلم الرسي هل الأخطاء على مستوى واحد أن نتعامل مع السلفي الذي أخطأ ويخالط جمعية التراث كرافضي أو إخواني. Et Cheikh, chaque fois, il nous rappelle les points que je lui ai cités à partir du mail d'Abbas. Et Abbas disait dans son mail, comme il le recite ici, Cheikh, quand on parle de l'Mghraoui, on dirait qu'on parle de Bachir el-Mirisi. Est-ce que toutes les erreurs sont à pied d'égalité? Est-ce qu'on doit se comporter avec le salafi qui a fait une erreur et qui fricote avec l'association de Tourat comme un Rafidi Anikhwani? Cheikh Yaqoul, حفظه الله هذه من الصف سطائية بارك الله فيك هذا يدلك على أنه ما عنده فرقان الشيخ الدي ça ce sont des paroles pour induire en erreur que Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse et ça ça prouve que cette personne n'a pas de discernement يقول هذا يدلك على أن الرجل ما عنده فرقان أصلحه الله il dit ça ce te prouve que cet homme qui parle ainsi, n'a pas de discernement qu'Allah le réforme. هل نتعامل مع السلفي الذي أخطأ ليش يدخل العبارات نحن نسأل يريد بالسلفي المغراوي ويثبت السلفية للمغراوي طيب إذا كان يثبت سلفية المغراوي بارك الله فيك ليش يتعبنا معه يقول أن المغراوي سلفي ويدافع عنه فنعرف الموقف من هذا الأخ أصلحه الله الشيخ دودير عباس الدي Est-ce que nous allons nous comporter avec un salafi qui est tombé dans l'erreur? Et cherche de dire, pourquoi il ramène ce genre d'expression? On lui pose la question. Il veut avec le salafi ici le Mghraoui? Est-ce qu'il confirme la salafia de le Mghraoui? C'est bon alors. S'il confirme la salafia de le Mghraoui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse, qu'il ne nous fasse pas fatiguer. Qu'il le dit clairement, que le Mghraoui est salafi, et qu'il le défende. Et dans ces cas-là, on sait la position à avoir avec ce frère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le réforme. يقول الشيخ حفظه الله قد افتى اهل العلم وقطعت جهيزة قول كل خطيب وتعارف العلماء مقالات المغراوي والله ما نحتاج الى هذا النكلة اصلحه الله لان يلوت على الناس ويشوش على الناس الشيخ دو نودير حفظه الله تعالى les hommes de science ont émis leur verdict ils ont laissé à aucun khatib quoi que soit à dire ils ont laissé à personne quelque chose à dire Et les hommes ont connu, ils savent ce qu'il y a dans les écrits et dans les paroles de l'Mghraoui. Et Cheikh de nous dire, par Allah, nous n'avons pas besoin de cet inconnu qu'Allah subhanahu wa ta'ala le réforme pour perturber et polluer l'esprit des gens. يقول حفظه الله نحن عندنا قاعدة سلفية سنية قررها العلماء من قديم من القديم في التعامل مع السني إذا أخطأ. Et Cheikh de nous dire, nous avons une règle salafi, sunnite, que les hommes de science ont confirmé depuis l'aube de l'islam, dans le comportement à voir avec le sunni qui a fait une erreur. يقول ولهذا قال العلماء في مسألة أن الكلمة الواحدة قررها الإمام ابن تيمية وابن رجب وغيرهما أن الكلمة الواحدة قد يقولها اثنان أحدهما يبدع والآخر يخطئ يغلط خلاص غلط الكلمة الواحدة يقولها اثنان أحدهما يبدع والآخر يخطأ تخطئ لأنه لا يتجاوز أنه اجتهد فأخطأ بناء على أصله السني السلفي الذي يسير عليه فالسني السلفي على السنة المحضة زرقة الإنسان خرجت منه اجتهد فأخطأ فيها فلا نتجاوز فهم الله عز وجل إلى الشيخ عبد الله البخاري دون ديزيكليغ سمو il dit les hommes de science à ce sujet ils ont une parole comme il est confirmé par l'imam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh et par ibn Rajab et d'autres qu'une seule parole peut être émanée de deux personnes différentes un il va être considéré comme innovateur et l'autre on va dire il est tombé dans une erreur tout simplement une seule la même parole La même expression, il va émaner de deux personnes. Un sera innovateur et l'autre, on dira, il sera dit tout simplement, il est tombé dans l'erreur et on ne dépasse pas ça. Pourquoi ? Parce qu'il est digne de l'effort de l'interprétation. Et il a fait un effort d'interprétation et s'est trompé selon ses bases, parce qu'il est sunni, parce que ses bases sont salafi. Et il est sur la voie du salaf. Et donc sunni, le salafi qui est sur la sunna pure, il a eu une glissade au niveau de sa langue. Il est sorti de sa langue quelque chose qu'il ne fallait pas dire. Il a fait un effort, il s'est trompé. Ça s'arrête là. المنحرف الذي وصوله على انحراف وبنى على انحراف ويسير على انحراف ليس بالضرورة أن يكون منحرفا في كل الأبواب حتى نقول مبتدعا كما هو ظن الكثيرين الآن. حتى باب واحد ولو في باب الإرجاء وفي باب الخروج وغير ذلك يقال خارجي ويقال قدري ويقال كذا. Il dit quant à cet innovateur qui a dévié et qui est déviant et qui est égaré, dont les fondements ce sont des fondements de l'égarement. Tout est basé sur l'égarement. Et sa voie, c'est la voie de l'égarement. Et ce n'est pas obligatoire qu'il soit égaré à tous les, dans tous les sujets, dans toutes les portes de la religion pour qu'on dise qu'il est innovateur. Non, comme le croient certains. Il suffit qu'il soit égaré sur un seul sujet, une seule voie. Par exemple, au niveau de l'Irja. Donc on dira de lui qu'il est morgé. Et le khourouj, il sera dit de lui qu'il est khariji. Ou alors il s'est égaré dans le qadar, on dira de lui qu'il est qadari, ainsi de suite. Je veux que tu fasses attention parce que ceci ça va t'aider beaucoup dans ce que tu mets comme ambiguïté. Mais certains emblèmes de la science à notre époque et certains vertueux, hommes de science et nobles et éminences, Fontesquia de l'Mghraoui et de Ali Hassan et de. Et j'en passe. Et écoute maintenant, si tu cherches la vérité et la position de tes pieux prédécesseurs, écoute maintenant ce qui suit. L'imam Layth ibn Sa'd, Yaqoul, Ahsaytu ala Malik, Khalafa 70 mas'ala. Fi 70 mas'ala Khalafa nas hadith Rasulillah, sallallahu alayhi wa sallam. Wallaytu ibn Sa'd, Layth ibn Sa'd, Faqih Misr. الذي كان يقال الليت أفقه من مالك إلا أنه ضيعه طلابه بمعنى لم يدونوا علمه. يقول أحصيت على مالك 70 مسألة خالف فيها نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف تعامل أئمة الإسلام مع أخطاء مالك في هذا؟ قالوا مبتدع أبدا. ما قالوا؟ أعطوا كيف تعامل طيب كيف تعامل أئمة الإسلام مع أخطاء مالك؟ كيف تعامل أئمة الإسلام مع مالك في هذا الموضوع؟ قالوا مبتدع أبدا. أعطوا الخطأ حجمه وهو أننا نعتقد ديانة أن الإمام مالك رحمه الله ما تعمد قصد مخالفة السنة ولهذا لما أفتى بخلافها. طيب لماذا خالف؟ إما أنه لم يصله الحديث وإما أنه وصله ولكن حين الإفتاء نسي الإفتاء به وإما أنه وصله وبلغه وتذكره ولكن لم يصح عنده وإما أنه بلغه ووصله وتذكره وصح عنده لكن ثمة ناسخ عنده أو معارض له أقوى منه إلى غير ذلك. إيه الشيخ دنوديغي إيسي جبك تيوفغو تيزوغاي إكتو ميديت سي بارول إكتو لي كومبخي لخ الإسلام دي. L'imam Layth ibn Sa'd, qui c'est l'imam Layth ibn Sa'd, une montagne de science. Cet imam qui est Layth ibn Sa'd dit, comme nous le rapporte cher ici, que j'ai compté 70 erreurs chez l'imam Malik. 70 erreurs dans lesquelles l'imam Malik était en divergence avec le hadith du prophète alayhi salam. Layth ibn Sa'd était le jurisconsulte par excellence de l'Égypte à son époque. Et on disait que l'imam Layth ibn Sa'd avait plus de science que l'imam Malik. Sauf que les étudiants de Layth n'ont pas propagé et créé sa science. Et il disait, rahimahullah, j'ai compté 70 erreurs dans lesquelles l'imam Malik s'est trompé. Face au hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Il était en divergence avec le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Maintenant, cher de nous dire comment les imams de l'islam se sont comportés avec les erreurs de l'imam Malik. Est-ce qu'ils ont dit qu'il est innovateur? Abadan. ils ont donné la place qui est due à l'erreur. Et, cher de nous dire, et nous ne croyons par religion que l'imam Malik, Allah subhanahu wa ta'ala, le couvre de ses sentiments et miséricorde, n'a pas cherché à être en divergence avec la sunna. C'est pour ça, quand il a émis ses verdicts, il a émis des verdicts quand ils sont au contraire de la sunna. Pourquoi il a émis des verdicts, il a divergé avec la sunna? Cher de nous montrer pourquoi. Soit que le hadith, il n'a pas eu connaissance du hadith. Soit que le hadith lui est arrivé, mais au moment de faire son verdict, il l'a oublié. Il a oublié de le prendre comme preuve pour son verdict. Soit le hadith, il lui est arrivé, il s'en rappelle, mais il n'est pas authentique pour lui. Soit le hadith, il lui est arrivé, et il s'en rappelle, et il est authentique pour lui, mais chez l'imam Malik, il y avait quelque chose qui a abrogé, ou quelque chose de beaucoup plus fort, qui s'opposait à ce hadith. Autre parmi les choses qui sont arrivées à l'imam Malik. C'est ainsi que les hommes de science ont parlé des erreurs de l'imam Malik. Ils ont dit tout simplement, ceci est en divergence avec la sunna. Ils ont respecté l'imam Malik. Ils ont gardé la place due à l'imam Malik. Cheikh Abdallah de nous dire, « J'a'a inda muslimin fi sahih, anna nabi alayhi salatu salam qal, la takhussu yawm al-jumu'ati bi siyam, wa la ilaytaha bi qiyam. » قال الإمام مالك لما سئل عن تخصيص يوم الجمعة بصيام وليلتها بقيام قال ما علمت من ينهى عن ذلك بل هي من القرب أو كما قال رحمه الله شوف فتي الإمام مالك مصادمة تماما للحديث الرسول يقول لا تخصوا يوم الجمعة بصيام ولا ليلتها بقيام سئل عن تخصيص يوم الجمعة بصيام وليلتها بقيام قال ما علمت من ينهى عن ذلك بل هي من القرب Et il a été rapporté chez l'imam muslim dans l'authentique que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit C'est ça parmi les exemples. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit ne jeûnez pas le jour du vendredi particulièrement, on ne donnait pas cette particularité avec le jeûne du vendredi, ni sa nuit, c'est-à-dire la nuit qui nous ramène vers le vendredi, c'est-à-dire après le coucher de soleil du jeudi, ne faites pas particulièrement qiyam al-layl, spécialement pour la nuit du vendredi, ni ne jeûnez particulièrement la journée du vendredi. L'imam Malik, on lui a posé la question sur le fait de particulariser la nuit du vendredi par Qiyam al-Layl et sa journée par le jeûne, il a dit, je ne sais pas quelqu'un qui l'aurait interdit. Je ne connais pas qui que ce soit qui l'aurait interdit. Il dit, mais ça fait partie des actes avec lesquels on se rapproche d'Allah. C'est ainsi qu'il a dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde. Regarde maintenant, la foutia de l'imam Malik, il est en contradiction avec le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne particularisez pas la journée du vendredi avec un jeûne, ni sa nuit avec Qiyam al-Layl. L'imam Malik, on lui pose la question sur ça, sur cette particularité. Il dit, je ne connais pas quelqu'un qui l'interdit. Ça fait partie des actes avec lesquels on peut se rapprocher d'Allah. علق أهل العلم على هذا قالوا رحم الله مالكا نطق فخالف السنة والسنة أولى بالاتباع انتهينا. Écoute maintenant, c'est ça au quoi tu dois faire attention. Les hommes de science ont commenté ce qu'a dit l'imam, cette fatwa de l'imam Malik. Ils ont dit l'imam Malik a prononcé, a fait son verdict, mais son verdict, il est en divergence avec la sunna. Et ce qu'il faut mettre en priorité, c'est suivre la sunna. Et l'affaire s'est terminée, elle a été réglée. C'est tout. Hein? ومعلوم تعظيم الإمام مالك للسنة. Et on connaît. Et tout le monde connaît, comme dit le Cheikh, le rapport de Cheikh Abdullah al-Bukhari, comment l'imam Malik donne l'importance à la sunna. Idan, usuluhu salafiya, tayyib, bish al-Mirrisi, hadrat hadha al-Afandi, yastadil, waj'al al-qadiyya kal bish al-Mirrisi. Et le Cheikh de dire, donc, les fondements de l'imam Malik, ce sont des fondements salafi. C'est bon. Donc, bish al-Mirrisi, que tu prends comme exemple, hein? et tu fais que le sujet de l'Mghraoui, c'est comme le sujet de Bichr al-Mirrisi. Bichr al-Mirrisi, خالف النصوص أيضا. لكن ليش ما تعامل أهل العلم كما تعاملوا مع إمام مالك؟ إمام مالك أصوله سني ذاك، وهذا أصوله خلفي والعياذ بالله. لابد أن تفرق حتى يعرف هذا المسكين كي يتكلم أصلحه الله. Et donc, cher de nous dire, les fondements de l'imam Malik, ce sont des fondements salafis. C'est pour ça, les hommes de science ne l'ont pas critiqué. Ils lui ont gardé la place et les honneurs qui lui sont dus. Et il dit, c'est bon, maintenant, Bichr al-Mirrisi, que cette personne prend comme preuve, il fait l'analogie de l'Mghraoui, de la situation de l'Mghraoui à celle de Bichr al-Mirrisi. Cher de le dire, Bichr al-Mirrisi, il est en divergence avec les textes. Pourquoi les hommes de science ne se sont pas comportés avec lui comme ils se sont comportés avec l'imam Malik? L'imam Malik, ses fondements étaient salafis. Mais quant à Bichr al-Mirrisi, ses fondements, ce sont des fondements khalafis, qui sont en divergence avec la sunna, que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Il est obligatoire de faire la différence pour que ce pauvre puisse savoir parler, que Allah subhanahu wa ta'ala le réforme. يقول الشيخ هذا الكلام الذي قاله باطل كما قلت لك وبينا بطلانه وتفصيله بارك الله فيك هذه بلية من يصدر لدعوة الناس. Cheikh de nous dire que cette parole qu'il a dit Abbas, c'est une parole qui est nulle, qui est fausse, comme je te l'ai dit auparavant, et je t'ai montré le faux dans cette parole, et je te l'ai détaillé, que Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse. Ça, c'est une fitna qui arrive avec ceux qu'on met en avant pour la da'wah, pour faire la da'wah aux gens et pour enseigner aux gens. يقول الشيخ أقول دائما المشاكل تأتينا من أمثال هؤلاء الذين يتصدرون ولما يتفقهوا. عمر رضي الله تعالى عنه قال كان يقول تفقهوا قبل أن تسودوا أو تسودوا، تسودوا قومكم أو تسودوا. نعم، فيعني يقصدكم الناس في السؤال والإفتاء وبيان الحلال والحرام وغير ذلك، ولما يكون الإنسان أهلا لذلك. الشيخ de nous dire, comme je le dis tout le temps, et je le dis souvent, que les problèmes nous arrivent tout le temps de ce genre, de cet individu qu'on met en avant pour la da'wa, avant qu'ils aient les outils pour la faire, avant qu'ils aient la jurisprudence. Omar ibn Khattab radiallahu anhu disait, ayez la jurisprudence et apprenez la science avant que je sois au devant de la scène, avant qu'on vous mette ou avant qu'on vous mette devant de la scène, avant que vous preniez les rênes. Naam. Avant que les gens ne s'orientent vers vous pour vous poser des questions, demander des éclaircissements sur le halal, sur le haram et autres. Hein? Avant, alors que vous n'êtes pas digne de cela. يقول يخشى على أمثال هؤلاء إن استمر بهم المقام نسأل الله لنا وله وللجميع التوفيق والهداية قد لا يراجع نفسه وقد يتعصب بعد ذلك يركبه الهوى نسأل الله العافية لكن نرجو لهذا الأخ أن ينصح وأن يخوف بالله ويتذكر فإن لزوم جادة العلماء أمرها عزيز ومهم خاصة في مثل هذه الأزمان. Il dit, ya crainte pour ce genre d'individu, pour ce genre de personne. S'il continue dans ses positions, hein, et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, pour lui, pour nous et pour tous, que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous accomplisse sur la vérité. Il dit, s'il continue dans ce chemin, ce genre de personne, s'il continue dans ce chemin, il ne va pas s'auto-observer, se réviser. Il va peut-être se sectariser et après il va marcher avec ses passions, que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Mais nous espérons que ce frère prendra le conseil et qu'il ait peur de Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on lui fasse peur avec Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il se rappelle qu'il doit se cramponner à la voix des hommes de science. Car la voie des hommes de science, c'est la sécurité et elle est très importante, surtout à notre époque. Yaqou le cher, et je veux que tu ouvres tes oreilles, bien à l'islam. Regarde ces nobles conseils ici que nous donne à tous, cher Abdullah al-Bukhari, que ce soit à tous ceux qui se mettent au devant de la scène. Il y a tous ceux qui veulent être dignes du conseil pour eux-mêmes et pour leur communauté. يقول وتمت كلمة للإمام الدارمي رحمه الله في الرد على الزنادقة نقرأ عبارة هذا الإمام أقول هذه عبارة الإمام الدارمي ليش أنا أنصح الأخ هذا لا يخرج عن سبيل علماء أهل السنة والتوحيد نعم لا يقول فلان قال العبرة بالدليل والحق اللي Il y a une parole de l'imam Darimi qu'il a mis dans son livre, la réplique à Zanadiqa. Il a dit, je vais lire l'expression de l'imam Darimi. Et je dis l'expression de l'imam Darimi, pourquoi? Parce que moi, c'est-à-dire l'imam Bukhari, il dit, Cheikh Bukhari, il dit, je conseille ce frère qui ne doit pas sortir de la voie des hommes de science et de la sunna et des gens du monothéisme. Certes, pour qu'ils ne disent pas « Cheikh Abdallah a dit, Foulan a dit » ce qu'il faut prendre en considération c'est la preuve et la vérité. « Qala rahimahullah, ayatu tiba'i rajuli al-haqq wa abti'da'ih » Il dit, dans un chapitre, le signe comme quoi l'homme suit la vérité ou comme quoi il est dans l'innovation. يقول هنا رحمه الله الإمام الدارمي في الرد على الجهمية بعد أن ذكر أحاديث عدة في رؤية الله عز وجل في الآخرة il dit رحمه الله الإمام الدارمي dans sa réplique au Jahmit après qu'il a cité beaucoup de hadiths qui prouvent comme quoi les croyants vont voir Allah subhanahu wa ta'ala dans le delà قال إن الذي يريد الشدود عن الحق يتبع الشاذ من قول العلماء ويتعلق بزلاتهم والذي يأم الحق في نفسه يتبع المشهور من قول جماعتهم وينقلب مع جمهورهم وينقلب مع جمهورهم لأن الحجة معه ليس مع الكثرة إلجي حفظه الله تعالى رحمه الله L'imam, la parole de l'imam Darimi. Celui qui cherche les marginalités et qui veut se marginaliser par rapport à la vérité, il suit les paroles marginales des hommes de science. Il s'attache à leurs erreurs. Et celui qui veut la vérité et qui veut que la vérité soit son guide, il suit la parole réputée dans le groupe des nombres du musulman et se tourne comme tournent les hommes de musulmans. Il se tourne avec leur grand nombre. Non pas parce qu'ils sont nombreux, mais parce qu'ils ont la preuve avec eux. Car comme tu le sais, à l'islam, ce n'est pas le nombre qui fait la preuve. La preuve, c'est la preuve, même s'il y a peu de personnes ou une seule personne qui la suit. Yaqulu الإمام الدارمي فهما آيتان بينتان يستدل بهما يستدل بهما على اتباع الرجل وعلى ابتداعه il dit ça ce sont deux signes qui sont clairs qu'on prend comme preuve pour nous éclairer sur la situation d'une personne est-ce qu'il fait partie des gens du suivi ou des gens de l'innovation في معنى اتباع الشدود وكان قبله أن قال ها donc si il suit la marginalité donc on sait et avant ça il a dit فإن بيتم لا تعلقا بحديث مجاهد هذا الذي كانوا يتكئون عليه وفيه ما فيه واحتجاجا به دون ما سواه من الآثار فهذا آية شدودكم عن الحق واتباعكم الباطل لأن دعواكم هذه لو صحت عن مجاهد على المهنة الذي تذهبون إليه كان مضحوضا القول إليه هذه الآثار التي صحت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وجماعة التابعين إلي Donc, ces deux signes te prouvent si l'homme suit la vérité. Il suit la voie des hommes de science qui sont sur la vérité, hein? Ou si l'homme il suit la parole marginale et les erreurs de certains hommes de science, hein? Donc ça te prouve s'il est dans le suivi ou là il est dans l'innovation. Et avant cette parole, Imam Darimi a dit, si vous refusez et que vous voulez vous entêter à vous attacher au hadith de Mujahid, sur lequel vous appuyez, alors que le hadith de Mujahid, il y a un hadith sur lequel il y a des paroles, ça veut dire il ne faut pas le prendre en considération. Et que vous prenez ce hadith comme preuve, en dehors des autres hadiths, ça c'est le signe de votre marginalité de la vérité. Ça c'est le signe comme quoi vous suivez le faux. Car votre prétention, si il est véridique, de Mujahid, selon la compréhension que vous lui donnez, ceci est rejeté. Avec ces preuves qui sont authentiques du prophète, alayhi salatu wassalam, de ses nobles compagnons et d'un grand nombre du tabi'in. Il leur dit, أَوَلَسْتُمْ قَزَّعَمْتُمْ أَنَّكُمْ لَا تَقْبَلُونَ هَذِهِ الْآثَارِ وَلَا تَحْتَجُّونَ بِهَا فَكَيْفَ تَحْتَجُّونَ بِالْآثَارِ عَنْ مُجَاهِدٍ إِذْ وَجَدْتُمْ سَبِيلًا إِلَى التَّعَلُّقِ بِهِ لِبَاطِلِكُمْ عَلَى غَيْرِ بَيَانٍ وَتَرَكْتُمْ آثَارَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلْ لُغْدِي Vous avez prétendu, n'est-ce pas que vous avez prétendu que vous acceptez pas ces preuves et que vous les prenez pas comme preuve, comment maintenant vous prenez comme preuve cette parole de Mujahid? Hein? Et vous avez trouvé un chemin pour que vous attachiez à cette preuve pour prouver votre faux. Sans éclaircissement et sans preuve. Et vous avez délaissé les preuves du messager, alayhi salatu wassalam, de ses nobles compagnons et de leurs successeurs. Et khalafat madhhabukum. Parce que les preuves du prophète alayhi salatu wassalam sont en divergence avec votre voix, tout simplement. فَإِمَّا إِذَا أَقْرَرْتُمْ بِقَبُولِ الْآثَارِ عَنْ مُجَاهِدٍ فَقَدْ حَكَمْتُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ بِقَبُولِ آثَارِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ وَالتَّابِعِينَ بَعْدَهُمْ لِأَنَّكُمْ لَمْ تَسْمَعُوا هَذَا عَنْ مُجَاهِدٍ بَلْ تَأْتِلُونَ عَنْهُ بِإِسْنَادٍ وَتَرَوْنَ بِأَسَانِيدَ مِثْلَهَا وَتَرَوْنَ بِأَسَانِيدَ تؤتلون بأسانيد مثلها أو أجود منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين ما هو خلافه عندكم فكيف ألزمتم أنفسكم اتباع المشتبه من آثار مجاهد وحده وتركتم الصحيح المنصوص من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرائه ونظراء مجاهد من التابعين إلا من ريبة وشدود عن الحق اللغدي Puisque ces hadiths du prophète alayhi salam qui sont authentiques, vous les avez laissés de côté parce qu'ils sont pas, ils vont pas de pair avec la voie que vous avez prise. Et puisque vous confirmez, acceptez la preuve que vous avez de Mujahid et l'atar que vous avez de Mujahid, donc vous avez émis la sentence sur vous-même que vous devez accepter les preuves du messager alayhi salatu wassalam, de ses nobles compagnons et de leurs successeurs, après les compagnons. Car vous n'avez pas entendu de Mujahid directement, mais vous le rapportez, vous l'avez avec des chaînes de transmission, et que vous avez mis en avant, alors que vous avez d'autres chaînes de transmission qui sont mieux que celles que vous mettez en avant, qui vous remontent directement au prophète alayhi salatu wassalam, et à ses nobles compagnons et à leurs successeurs, qui sont en divergence avec la voix sûre, avec ce que vous avez. Comment vous vous êtes imposé à suivre l'ambigu, et ce qui n'est pas clair, de la preuve que vous citez de Mujahid uniquement, et que vous avez délaissé tous les textes qui viennent du prophète alayhi salatu wassalam, qui sont authentiques, et qui viennent des nobles compagnons, et des similaires et des contemporains à Mujahid parmi tabi'in. Vous avez agi ainsi parce que vous avez un doute, et cela prouve votre marginalité de la vérité. Yaqul al-shaykh, Inna alladhi yuridu ash-shudud 'an al-haqq يتبع الشاد من قول العلماء ويتعلق بزلاتهم والذي يؤم الحق في نفسه ويتبع المشهور من قول جماعتهم وينقلب مع جمهورهم فهما آيتان بينتان يستدل بهما على اتباع الرجل وعلى ابتداعه انتهى كلامه رحمه الله نعم Il dit, حفظه الله تعالى et les paroles sont toujours الدارمي celui qui cherche, qui veut être marginal par rapport à la vérité. Il suit les paroles marginales des hommes de science, et il s'accroche à leurs erreurs. Et celui qui veut la vérité, et qui veut se conditionner avec la vérité, il suit la parole réputée parmi le groupe des hommes de science, ils tournent avec la parole répétée, avec la grande partie des hommes de science. C'est-à-dire, ils se tournent pas avec les hommes de science, mais avec la vérité qu'ils ont. Et ceci, ce sont deux signes clairs avec lesquels on prouve comme quoi l'homme, il suit la vérité, ou l'homme, il est sur l'innovation. Ici s'arrêtent les paroles de l'imam Darim, rahimahullah. Hein? Donc, frère en Allah, Azza wa Jal, j'ouvre une parenthèse. Maintenant, la situation qui est claire pour nous. Ah, ce sont la réfutation et les éclairs et le jarh éclairé de plus de 10 hommes de science sur le Mahrawi. Pourquoi s'attacher à une parole marginale d'une éminence d'homme de science? C'est une éminence, oui. Mais pourquoi laisser toute cette critique avec les preuves et cette réfutation avec preuve et ce jarh avec preuve? La même chose maintenant, la guerre qui commence maintenant avec Ibrahim al-Ruhaili, Cheikh Ibrahim al-Ruhaili et Cheikh Abdel Malik Ramadani qui ont reçu les réfutations de Cheikh Ubaïd et d'autres. Et maintenant, la réfutation de Cheikh Rabi' est tombée. Hein? Donc vous voyez, comme tout un chacun de vous sur certains forums, comme quoi, quand certains ont proposé à la voie droite de mettre la parole qui réfute les ambiguïtés françaises de Cheikh Mohamed Ben Hadi sur le site de la Voix Droite, Abbas a encore suggéré qu'on mette la réplique du Cheikh Ibrahim al-Ruhaili à Cheikh Ubaïd. Où est-ce qu'on va, frère en Allah, Azza wa Jal? Et après, vous nous demandez qu'est-ce que vous avez avec Abbas? On n'a rien avec Abbas à l'islam. Non, on serait réjouis que notre frère Abbas, il revient. On serait les premiers à être réjouis. Il est le premier à être content. Il est le premier à saluer son retour à l'islam. Lui et de qui que ce soit parmi nos frères. Hein? C'est pas une guerre de personnes, je te le rappelle. Frère en Allah Azza wa Jal. السؤال كان في بعض الاجتماعات للدعاة في فرنسا اقترح في بعض هذه الاجتماعات في باريس فتح خط هاتفي للفتوى ولله الحمد ولمنا الأمر لم يتم لأن بعض العقلاء الحاضرين اعترضوا على هذا الاقتراح ويكثر شيخنا عند الكثيرين حفظكم الله أنا أرى أنا رأيي في قضية كذا وكذا أن الله عز وجل لوتر كيستيون اكسبوزي الشيخ عبد الله ها dans certaines réunions des douates de France, il a été proposé l'ouverture d'une ligne de téléphone pour le fatwa. La louange à Allah que ceci n'a pas été accompli parce que certains dignes et certains doués de raison parmi ceux qui étaient présents se sont opposés à cette proposition. Et cher, on entend beaucoup si certains parmi eux, moi je vois que mon point de vue sur la situation c'est que, et ainsi de suite. ومرة فوجئت بسؤال عند إحدى العائلات التي تستضيف الدعاة عندما يمرون بجنوب فرنسا فقالت لي هل التقاط الصور جائز؟ أنا استغربت فقلت لماذا؟ لأن فلانا قالت لأن فلان من الدعاة كان يصور ابنته في البستان عندهم كان يصورها بالهاتف في البستان عندهم الجواب طيب ما هو السؤال في هذا السؤال أنا أرى أنا رأي كذا et je dis à Cheikh une fois j'étais surpris par la question d'une des familles qui accueille chez elle les prêcheurs quand ils passent dans le sud de la France dans moi à Fayence et cette famille m'a dit est-ce que le fait de prendre des photos est permis je me suis étonné de cette question j'ai dit pourquoi Il m'a dit que tel parmi les prêcheurs, et Abbas il sait qui, hein, tel parmi les prêcheurs prenait des photos à sa fille dans leur jardin, avec son portable. Chir de me dire, c'est quoi la question ici? Je dis, la question concerne, moi, mon opinion, moi je vois que... يقول الشيخ, يا أخي بارك الله فيك. هذا أنا أرى وأنت ترى وهذا يرى يعني يجب على الإنسان الذي تصدر للدعوة أن يعرف أولا أن هذه المهمة مهمة الأنبياء والرسل وصالح هذه الأمة من العلماء والعباد وأئمة الإسلام. La réponse du Cheikh de me dire, mon frère, qu'Allah subhanahu wa ta'ala te bénisse, moi je vois, mon opinion c'est ça, toi oh, et celui-là il voit, son opinion c'est ça, et il faut que la personne qui au devant de la scène pour la da'wah, il doit savoir que premièrement, la da'wah c'est la fonction des prophètes et des messagers alayhi salatu wassalam et des vertueux et des nobles de cette communauté parmi les hommes de science et parmi les imams de l'islam et les adorateurs dignes du nom. ثانيا يجب على من يسير على هذا الخط على منوال أولئك الذين يتأسى بهم إن الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Deuxièmement, il est obligatoire de prendre cette ligne. Et la ligne comprit ses pieux prédécesseurs, qui sont son exemple, qu'il doit prendre comme un exemple. Car il est dit dans le verset, dans la traduction approximative, « Ceci, c'est ma voix, gloire à Allah, j'appelle vers Allah. J'appelle vers Allah avec science, moi et ceux qui me suivent, et subhanallah, et je ne fais pas partie des associateurs. » Aïe, يقول الشيخ, « قل هذه سبيل أدعو إلى الله, لا إلى حد نفسي. » وإلى لا إلى منصب وإلى إلى كرسي وإلى إلى بيعة ولا إلى حزب ولا إلى جماعة إنما هي الدعوة إلى الله فمتى خرجت عن القصد لله ما كانت دعوة لله ولو قال صاحبها أنا أدعو إلى الله هذا أولا في دلالة الآية. Il dit dans la parole d'Allah, dit ça c'est ma voix, j'appelle vers Allah, c'est-à-dire je n'appelle pas vers moi-même, je n'appelle pas vers le fait vers un poste ou pour avoir un poste ou vers une allégeance ou vers un parti ou vers un groupe, j'appelle vers Allah. La da'wah doit se faire pour Allah, et quand la da'wah dévie de, il n'est pas fait pour Allah, il n'est pas une da'wah pour Allah, hein. Il n'est pas une da'wah pour Allah, même si la personne dit que moi j'appelle vers Allah. Ça, premièrement. وَفِي دِلَالَةِ الْآيَةِ تُمَّقَى. Ça, premièrement, dans les preuves qu'il y a dans le verset. تُمَّ قَالَ سُبْحَانَهُ أَدْعُو عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. أي أنا أدعو إلى الله على بصيرة. المقصود محمد عليه الصلاة والسلام في هذه الآية ومن اتبعني يدعو إلى الله على بصيرة. Il dit, et dans le verset, il est dit, j'appelle vers Allah avec science, moi et ceux qui me suivent. Ça veut dire, moi j'appelle vers Allah avec science. Ce qui est voulu aussi, c'est le messager, allez, ça veut dire, Mohammed, dis-leur, hein, Mohammed, j'appelle vers Allah, hein, avec science, moi et ceux qui me suivent. On appelle avec science vers Allah. يقول الشيخ فمن دعا إلى الله على غير بصيرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على طريقة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. Dit celui qui appelle vers Allah sans science qui lui vient du message عليه الصلاة والسلام, il n'est pas sur la voie de محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول فالدعوة إلى الله يجب أن تكون على طريقة الدعاة إلى الله بحق. فالدعوة إلى السنة يجب أن تكون على طريقة أهل السنة, ما تدعو إلى السنة على طريقة أهل البدع, ما تدعو إلى التوحيد على طريقة أهل الشرك, ما تدعو إلى الله على طريقة أهل الدعوة إلى الشيطان والعياذ بالله. هذا جانب اللي حفظه الله تعالى دوك دعوة vers الله سبحانه وتعالى doit se faire selon la voie des prêcheurs vers الله avec vérité. La دعوة à la sunna doit se faire selon la voie des gens de la sunna. N'appelle pas vers la sunna avec la voie des innovateurs. N'appelle pas vers l'associationnisme avec la voie des associateurs. Vers le monothéisme avec la voie des associateurs. N'appelle pas vers Allah avec la voie de ceux qui appellent vers Shaitan. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et ça, c'est un point. يقول ثالثا أن من شروط هذه الدعوة أن يكون الداعي على علم بما يدعو إليه. فإن كان على علم تكلم بحذر وقذر ولا يجوز له أن يفتي كل الناس إلا إذا كان المقام يقتضي, فإن الذي يفتي كل الناس الناس في كل ما يسألونه لمجنون كما قال الإمام مالك وغيره. Troisièmement, il dit, il fait partie des conditions de la da'wa que le da'i doit avoir la science des choses vers lesquelles il appelle. S'il a la science, qu'il parle avec précaution, qu'il fasse attention et avec mesure. Il parle, hein, avec la quantité qu'il faut. Et il n'est pas permis qu'il fasse le verdict à tous les gens, sauf si la situation implique qu'il y mette un verdict. Car celui qui donne les verdicts aux gens dans toutes les situations, dans tous les sujets sur lesquels il est question, il est fou, comme il a dit l'imam Malik rahimahullah et d'autres. Fada'watu nasi alhamdulillah wa iftasu nasi qad ya'ni bi fadli Allah jalla wa ala kufiyat an-nas kufiyat an-nas. المؤنى يوجد بوجود أهل العلم فمقام الفتية مقام خطير. من الله عز وجل دي le fait d'appeler vers Allah سبحانه وتعالى la longe à Allah c'est une chose et le fait de faire des verdicts ceci est une autre chose. Cela veut dire et en plus par la clémence d'Allah سبحانه وتعالى les gens ont l'autosuffisance à ce niveau là parce qu'il y a les hommes de science sont présents. Et donc, la position du fétiwa et de donner le verdict est une position, est une place qui est très difficile, très dangereuse. Naam, hiya min maratib ad-da'wa, min maratib wa marahil ad-da'wati ila Allah. Oui, le fatwa fait partie des degrés de la da'wa et des étapes de la da'wa. Fa min ad-da'wati ila Allah ifta'u an-nas wa laysa bid-darurati an tufti. Fait partie de la da'wa, c'est le fait de donner des verdicts aux gens, mais c'est pas obligatoire que tu fasses le verdict. ليس بالضرورة أن تفتي تبوبليجي دفغ الفتوى. والناظر في سير السلف يجد كم كانوا يدفعون الفتية من الصحابة ومن جاء بعدهم. الكل يدفعون الفتية عن نفسه ليس بالضرورة أن يفتي. من الله عز وجل et celui qui médite la situation des pieux prédécesseurs doit Allah alayhi et ce qui nous a été rapporté d'eux, il repousse la fatwa, que ce soit les nobles compagnons et ceux qui sont arrivés après eux, il repousse la fatwa, préfère que d'autres accomplissent. Il n'est pas obligatoire que tu fasses le verdict. يقول كان الإمام مالك رحمه الله إذا شك في حرف من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أمسك ما حدث به. إذا شك في حرفين مو شك في الحديث ولا جملة ولا كلمة حرف في الحديث هو فيه وإلا لا فيه الفاء أو الواو أمسك عن التحديث تقاء لعظيم هذا الأمر وعظيم مكانته. يقول هذا cette position qui nous ramène de l'imam Malik. Il dit Cheikh Abdullah Al-Bukhari de nous dire l'imam Malik رحمه الله quand il a un doute sur une lettre dans un hadith, une lettre de l'alphabet, dans un hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Il met de côté ce hadith, il ne le prononce pas. Il a un doute sur une lettre de l'alphabet dans ce hadith. Il n'a pas de doute sur le hadith, ou sur une phrase du hadith, ou là sur un mot du hadith, là juste sur une lettre. Est-ce que c'est F, ou là c'est O, ou là c'est T. Il ne parle pas, il avance, il ne dit pas ce hadith aux gens. Regarde comment il se préserve. Regarde cette façon de se préserver. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala comble de nos pieux prédécesseurs de sa sainte miséricorde, qu'il nous redonne le réel suivi de leur voie. يقول شيخ عبد الله ثم إن الإنسان إذا ما أفتى يجب عليه أن يتقي الله عز وجل ويتذكر قول الله جل وعلا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. شوف الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. شوف هذه جريمة أن الإنسان يفتي بغير علم وبغير هدى من الله. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Il dit حفظه الله تعالى. Et puis l'être humain, quand il émet un verdict, il doit préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala et se rappeler ce verset dans la traduction approximative nous dit, et ne dites pas de ce que décrit vos langues comme mensonge, ça c'est halal et ça c'est haram, pour mentir sur Allah. Chauffe, mentir, dire ça c'est halal et ça c'est haram, pour inventer un mensonge sur Allah. Chauffe, ceci est un crime, dit cher. Que la personne, ça c'est un crime, que la personne met un verdict sans science. Ils sont guidés, ils sont guidance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il est dit dans notre verset, dans cette traduction approximative, que cette chair ici ne suit pas les choses sur lesquelles tu n'as pas de preuve, tu n'as pas de science. Car lui, la vue, le cœur seront questionnés. Yaqul, tayyib, idha ma afta bi ghayri ilm, ايش تكون النتيجة؟ تكون ضلالة للناس والعياذ بالله أهلك نفسه وأهلك غيره. C'est bon, il dit, si maintenant il émet le verdict sans science, le résultat va être quoi? Cheikh il dit, ça va être l'égarement des gens, que Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Il va périr, il fera périr les gens aussi. قد يقول قائل فما هو الحال في حديث معاوية رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. لا يدخل هذا, لا يدخل في هذا. نقول لا يدخل من ليس أهلا للفتيا, لا يدخل. الفتيا لها شروط وآداب وقد نص عليها العلماء وأفردوا فيها مؤلفات وضمنوها كتبا بينوا حال المفتي والمستفتي وآلة الإفتاء وشروط المفتي إلى غير ذلك. ولهذا هذا الحديث يستدل به أهل العلم في كتبهم المصنفة في علم الأصول وغيره, والإمام ابن القيم وغيره أيضا في الأعلام في باب الفتيا والاجتهاد. Écoute maintenant, et ouvre bien tes oreilles, frère, en Allah Azza wa Jal. Dis maintenant, si quelqu'un il dit, qu'est-ce qu'il en est concernant le hadith de Muawiyah radiyallahu anhu wa arda, qui est dans l'imam, chez l'imam Bukhari, chez l'imam Muslim. Quand Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, quand l'alim, c'est-à-dire le hakim, l'homme de science a fait l'effort d'interprétation, il aura deux récompenses. Et il a fait l'effort d'interprétation, et il s'est trompé, il aura tout simplement une récompense. Est-ce que ça ne rentre pas dedans? Cheikh il dit non, ça ne rentre pas dedans, parce qu'il ne fait pas partie des gens de l'effort d'interprétation. Il ne fait pas partie des gens qui ont le droit d'émettre des verdicts, car le verdict il a ses conditions, il a son comportement, et ceci est rapporté et écrit par les hommes de science dans le livre qui sont concernés par tout ceci dont sont le fiqh, etc. Ils ont montré comment la situation, comment il doit être le mufti, comment il doit être celui qui pose les questions, les outils de l'ifta, les conditions pour le mufti, les conditions pour émettre le fatwa, et les outils pour les maîtres, et autres. C'est pour ça que ce hadith, les hommes de science le prennent dans leurs livres qu'ils ont écrits, dont la science qui concerne les fondements, au sol le fiqh, et d'autres, comme l'imam Ibn al-Qayyim et d'autres, dans leurs livres, et ils l'ont pris comme preuve dans le chapitre de l'Futia, et le chapitre de l'effort d'interprétation. Donc cela, pour tout résumer la situation, quand on est comme nous des prêcheurs, on n'est pas digne de l'effort d'interprétation. Donc si on émet un avis, et même si on touche la vérité, on sera châtié, parce qu'on ne fait pas partie des gens dignes d'y mettre un avis et de faire des efforts d'interprétation. Hein? Et donc, ceux qui sont concernés par une seule récompense, ce sont ceux qui sont dignes de l'effort d'interprétation. Et jusqu'à preuve du contraire, à l'islam, il n'y en a pas parmi nos prêcheurs en France qui sont dignes de l'effort d'interprétation. Où est-ce qu'on va si on ouvre la porte comme ça? خامسا نقول إن العلماء قد بينوا في آداب الطلب وغيرها ونصوص عن مالك رحمه الله وغيره من أئمة السنة أنه ينبغي للمعلم أن يعلم طلابه لا أدري. فلا أدري نصف العلم ليس بالضرورة أن تفتي. Cinquièmement, les hommes de science, comme ils les ont montré, ils nous en ont éclairé dans les livres concernant le comportement de la demande et autres, avec des tests qui viennent de l'imam Malik et d'autres parmi les imams de la Sunna, qu'il est obligatoire à l'enseignant d'enseigner à ses élèves, je ne sais pas, car je ne sais pas, c'est la moitié de la science. Et il n'est pas obligatoire d'y mettre le fatwa. فما قضية التصوير وما تصوير وكذا هذا من الآثار السيئة السلبية التي تولدت عن قيام بعض الناس أصلحهم الله في وقوعهم في بعض هذه الأشياء يسبب ردة فعل عند العامة يستجيزون بعد هذا الوقوع في مثل هذا أو إلى آخره. إيش الإنسان يحتاط بارك الله فيك يبتعد عن هذه بارك الله فيك هذه التصورات والتصويرات. Dit concernant le fait de prendre des photos, hein, ça fait partie des impacts néfastes qui vont faire découler des réactions mauvaises chez le commun des musulmans et qui vont faire que ces communs des musulmans vont s'autoriser ce genre d'actes et d'autres. Pourquoi l'être humain il se préserve pas? Il prend des précautions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Et il s'éloigne de ces photos, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. يقول الشيخ اسمع اخي اسمع يقول الشيخ يعني اليوم اتصل علي من موريتانيا احد وهو تاجر يقود السيارات وما ادري ايش عندي سؤال تفضل سال اطال في السؤال قال شيخ ما الحكم قلت له الله اعلم اسال غيري انا عندي جواب ولكني متحفظ عليه نعم وارى ان غيري يمكن ان يقوم به في افتائه في مثل هذا المقام قلت الله أعلم اسأل غيري ما ضرني وما ضره أبدا هذا دين الواحد عرف أجاب إذا كان المقام يقتضي إذا ما يقتضي يترك أن الله عز وجل يكوت maintenant cette position et combien de fois Cheikh Abdallah m'a dit ceci demande à quelqu'un d'autre comme moi je sais pas. Face sur le problème on était en réunion avec les frères hein, de l'Azip de Metz hein, Borny dans leur maktaba et on a posé des questions et c'était le problème de la loi du hijab. On a appelé Cheikh Abdallah sur cette question, il a dit cette question elle concerne toute une communauté hein, demandez à quelqu'un d'autre, demandez à un homme de science, vous demandez à l'ajnat da'ima, demandez au grand homme de science. Combien de fois il me l'a répété sur des questions hein. Regarde, il a la réponse. Il dit, aujourd'hui, le jour où on l'a visité, et quelqu'un de Mauritanie m'a appelé, c'est un commerçant de voitures. Et il a dit, j'ai une question. Je lui ai dit, vas-y. Et sa question était longue. Il a dit, ya cher, c'est quoi la sentence maintenant? C'est quoi le jugement? Je lui ai dit, Allah subhanahu wa ta'ala seul sait. Demande à quelqu'un d'autre que moi. Et cher de nous dire, moi j'avais une réponse, mais je la préserve. Et je vois, je la préserve et j'ai des précautions concernant, je prends des précautions concernant cette réponse. Et je vois que quelqu'un d'autre peut accomplir cette fatwa à ma place. Et je lui dis, ah, Allah, seul Allah sait. Demande à quelqu'un d'autre. Et celui ne m'a fait aucun mal, il ne me gêne en rien. Et ça ne lui a fait aucun mal à celui qui a posé la question. Jamais de la vie. Ça c'est une religion. Quand quelqu'un il sait la réponse, il répond. Si la situation implique qu'il réponde. Sinon, il délaisse. يقول سؤال آخر كذلك شيخنا عند بعض الدعاة الآن في فرنسا وأنا أتكلم فقط عن المحسوبين عن الدعوة السلفية بعض الدعاة يقول لا بد من الإجماع قضية حري حسن هذه لا بد من الإجماع في قضية الجرح والجرح ما هو إلى وجهة نظر في من يبدع ومن لا يبدع فأنا إذا أخذت بكلام من لا يبدع فلذاك لأن من أفاضل العلم من أخذ به وكذا وكذا L'autre question posée à Cheikh, certains prêcheurs de France disent, Et moi, cher, je te parle que des prêcheurs, ainsi que je le dis, qui comptent, dont les prêcheurs considérés, dont la voie salafie, et dont la da'wa salafie. Certains de ces prêcheurs disent qu'il est obligatoire d'avoir le consensus, l'ijma' concernant le jarh, le sujet que tu connais, cher, de Ali Hassan. Ils disent, certains disent, al-jarh, ce n'est qu'une pointe d'opinion. Il y a celui-là qui va bedda', l'autre il ne va pas bedda'. Et moi, si je prends les paroles de celui pas qui ne rompt pas mubtadi', j'ai à le faire, car des éminences de science l'ont fait et n'ont pas bedda'. Al-jawab. يعني هذه المسألة بارك الله فيك أنا أقول لمن يردد هذا الكلام السؤال هل أنت تبحث عن الحق أم تبحث عن الهوى شيخ دو ديه كم ريبونس concernant ce sujet بارك الله فيك que Allah te bénisse je dis à celui qui répète ce genre de parole je lui pose cette question est-ce que tu cherches la vérité ou tu cherches les passions إذا كنت تبحث عن الحق فليس هذا من مقالات أهل الحق. Si tu cherches la vérité, ça c'est pas la parole des gens qui cherchent la vérité. يعني إذا أجاب قال أنا أبحث عن الحق نقول هذا الأسلوب وهذا الكلام لا يتماشى مع من يطلب الحق كما هو صنيع أئمة السنة لماذا؟ لأن هذا ينبني عليه ثانية هو أن أئمة السنة كانوا يبحثون عن الحق ولهذا قالوا بالحق يعرف إيش؟ يعرف الحق تعرف رجاله Il dit, si maintenant il répond comme quoi il cherche la vérité, on lui dit, cette façon de faire, et les paroles que tu as dit ne concordent pas avec quelqu'un qui cherche la vérité. Et ce n'est pas la voie des imams de la sunna. Pourquoi ? Et parce que ceci découle d'un deuxième point. Les imams de la sunna cherchaient la vérité. C'est pour ça qu'il disait, La vérité se connaît avec quoi? C'est-à-dire, la vérité se connaît comment? La vérité, ils disent, connais la vérité, tu connaîtras les hommes de la vérité. Connais la vérité, tu vas connaître ces hommes. فَالْبَحْتُ عِنْدَهُمْ دَالَّتُهُمْ الْحَقِّ Il dit, la recherche, c'est les imams de la sunna, ce qu'ils cherchent. Le perdu qu'ils cherchent, c'est la vérité. يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسِ كَمَا عِنْدَ أَحْمَدْ فِي الْمُسْنَدْ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ يُوشِكُ أن تنزل عليكم حجارة يوشك أن تنزل عليكم حجارة يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقولون قال أبو بكر وعمر Et Cheikh de nous citer ici la parole d'Ibn Abbas rapportée par l'imam Ahmed dans le Mousnad, qu'Allah subhanahu wa ta'ala gré les nobles compagnons, radhiyallahu anhum, qui dit, presque des pierres vont vous tomber sur la tête du ciel. Je dis, Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit, vous dites Abu Bakr et Omar ont dit, chauffe, فَلَا يَصِحُّ أَن تُمَرِّرَ خَطَأً قَدْ دَهَرَ وَبَانَ وَاشْتَهَرَ وَدَاعَ بِأَدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَ فِي جَرْحِ الْمَجْرُوحِ وَبَيَانِ الْحَقِّ فِي بُطْلَانِ الْبَاطِلِ ما قال نعم ثم قال بعض الفضلاء لأنه لا يجوز أن تستدل بوقوع الخطأ وتمريره بوقوع فاضل فيه رضي الله عنه ورحمه بأس هذا ما أصاب من أفاضل العلماء انتهينا يوشك أن يتبين إن شاء الله يكوت بيان سوسي regarde maintenant ابن عباس qu'il a dit Une pierre va vous tomber du ciel. Je vous dis, Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam a dit, vous dites Abu Bakr et Omar ont dit. Et qui c'est Abu Bakr et Omar? La tête des hommes de science et la tête de l'humanité après les prophètes alayhi sallallahu alayhi sallam. Donc, cher de nous dire, il n'est pas permis que tu véhicules l'erreur apparente, une erreur qui est apparente, qui est réputée, et qui est réputée, qui est connue par ses preuves détaillées. Et qui a été réfuté. Hein? Et tu dis non, c'est une parole qui a été dite par une éminence. Il n'est pas permis que tu vas dans l'erreur et que tu t'abstiennes à tenir, à marcher dans l'erreur parce que une éminence est tombée dans l'erreur. Les chefs de nous dire, on dit Allah l'agré, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le couvre de sa sainte miséricorde, ça suffit. C'est une éminence, il n'a pas touché la vérité, point. Et l'affaire est terminée. Et on lui garde sa place dans la communauté et ses honneurs. Et cher, il dit, ce noble auquel vous vous accrochez, bientôt la situation, Inch'Allah, va lui être claire. Ya Allah. Bientôt la situation va lui être claire. يقول الشيخ لكن أنت كمثله لا مختلف عنه الشيخ دي مثلا toi tu es comme lui non tu es différent de lui dire tu es comme lui tu n'as pas les outils et les hein et tu n'es pas digne de l'effort d'interprétation tu n'es pas comme lui tu es différent de lui لا تبحث عن الحق بل تبحث عن المعادل et en plus الشيخ il dit toi tu ne cherches pas la vérité tu cherches des excuses وتبحث عن الشذوذات et tu cherches les marginalités وتترك الحق والبينات et tu laisses la vérité hein et les éclaircissements يقول ومن قال هذا ثالثا et là je m'arrête là parce que c'est trop long et c'est l'heure d'Al Maghrib chez nous on reprendra inshallah quand tu auras un créneau après demain ou là quand tu le peux inshallah quand tu le signeras inshallah بارك الله فيكم واحسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا